scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrey, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Les années 60, nous sommes en 68, en plein mai 68. Après Nanterre, la genèse du mouvement, après de Nanterre à la Sorbonne du 3 au 11 mai, et après étudiants et ouvriers du 13 au 18 mai, voici la suite des événements. Mai. Retour du général de Gaulle de voyage en Roumanie. Bernard Tricot. On avait prévu le gouvernement roumain des danses folkloriques. Je me rappelle qu'à un moment donné, un groupe de jeunes femmes est venu proposer au général de Gaulle de venir danser avec elles. Le général a naturellement décliné l'invitation fermement et très courtoisement. Mais je me suis dit un instant, imaginons qu'il ait accepté. Imaginons qu'un photographe, et il y en aurait eu, ait pris la photographie. Qu'est-ce qu'aurait donné à Paris et en France et dans le monde l'image du général de Gaulle, dansante avec de jolies moldovalaques, alors que se passe à Paris ce qui est en train de se passer? En un sens, on peut regretter pour l'humour de l'histoire que cela n'ait pas eu lieu. Mais j'ai été bien soulagé quand j'ai vu que ça n'aurait pas lieu. Maurice Grimaud. Le lendemain, qui était un dimanche, il convoque le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre chargé des communications, M. Gors, et moi-même, qui était joignée à eux. Et en effet, là, d'un ton très vif, très impatient, coupant la parole très rapidement à Christian Fouché, qui cherchait à lui faire un peu le compte-rendu des derniers événements, il indique qu'il a pris ses résolutions et qu'on libère tout de suite ce soir l'Odéon, demain la Sorbonne, et que ça suffit comme ça. Il se retourne vers Georges Gors pour indiquer qu'il en fasse autant du côté de l'ORTF, de la radio et de la télévision. Ceci traduisait bien son irritation et sa volonté d'en finir. Finalement, c'est M. Pompidou qui ne l'a pas persuadé d'y renoncer, mais qui, lors de cette réunion, a obtenu que d'abord on puisse serrer les deux opérations et puis qu'on donne tout de même le minimum de temps pour se retourner. Après quoi, rentrer chacun dans nos bureaux, moi je commence à chercher à préparer cette opération, mais du côté de M. Pompidou, on me rappelle pour me dire que on trouve cette opération risquée, ce qui était aussi mon avis, qui est de réveiller inutilement les grands désordres alors qu'on était rentré dans une période plus calme. Ça me paraissait inutile d'avoir à recommencer les barricades, les longues nuits, etc. pour peu de choses. Je considérais que l'Odéon et la Sorbonne, c'était beaucoup plus symbolique qu'autre chose. J'aimais autant que tout le monde soit là à discuter et à bavarder que d'être dans la rue à jeter des pavés aux policiers, si bien que j'étais tout à fait d'accord avec l'analyse de Matignon pour essayer de remettre à plus tard cette affaire. L'Odéon avait ses happenings tous les soirs. Michel Jobert. Dans un désordre, dans une saleté étonnante. Bon, évidemment, personne ne faisait le ménage, mais tout le monde était prêt à jeter des détritus n'importe où, verbaux ou matériels. Le général, un soir, a dit « je veux que l'Odéon soit évacué ». Et c'est là où j'ai eu de longues conversations, et notamment avec Grimaud, qui était préfet de police et qui était responsable, plus ou moins, de l'exécution de cet ordre. Et qui était fort embarrassé, qui me téléphone, me dit « Voilà, l'ordre que je reçois, c'est manifestement inutile d'évacuer l'Odéon. L'Odéon va tomber comme un fruit, disons, blé, pour ne pas être insolent. Et on risque de relancer une agitation en évacuant l'Odéon avant minuit. » Ce qui était prendre l'Odéon dans sa petite matinée, si je puis dire. Et nous l'avons obtenu, cette appréciation du moment. Et je me souviens, j'avais lancé ce mot de théâtre, on ne fait pas tomber le général sur une affaire de théâtre. L'Odéon est occupé depuis le 15 mai. Nous avons décidé, avec le comité d'action révolutionnaire, de prendre le Théâtre de France, de l'investir, de nous y installer et de l'occuper pour détruire d'une manière définitive, ou du moins pour commencer à détruire d'une manière définitive, les bastions de la culture bourgeoise. Quel a été l'accueil que vous a réservé Jean-Louis Barrault quand il vous a vu arriver ? Très franchement, il a surtout fait de la démagogie et il a essayé de ramener vers lui, en disant « je suis un vieil anarchiste », n'est-ce pas ? Il a essayé de ramener vers lui les intérêts de la situation, mais finalement rien d'autre. Et rien de positif. Il y avait là aussi M. Raison, qui est l'attaché du ministre de la Culture, parce que les gens, quand nous sommes entrés, les camarades ont demandé l'avenue de Malraux. Nous avons pu contacter M. Raison, nous n'avons pas pu contacter M. Malraux, je ne sais pas exactement pourquoi, ce n'est pas moi qui m'en suis occupé. Toujours est-il que M. Raison est venu, et ma foi, moi, pour ce que j'ai vu, moi, j'avais du travail ailleurs, mais pour ce que j'ai vu, moi, je l'ai vu dans les coulisses, et quand je lui ai dit, allez-y, allez vous affronter, c'est votre métier, allez-y, allez voir un peu ce que les jeunes pensent de la culture, ben, il avait l'air plutôt ennuyé et caché derrière un pendrillon. Voilà. Si André Malraux était venu, quelle aurait été la réaction des jeunes qui sont dans la salle ? Je ne sais pas. Un camarade à l'instant à côté dit qu'il l'aurait foutu dehors. J'en suis pas si sûr. Simple, je pense en tout cas qu'il y aurait eu de toute manière un dialogue. Et très franchement, oui, un dialogue peut-être parce qu'à la fin du dialogue, on l'aurait foutu dehors. Mais peut-être assez vite. C'est possible, mais enfin, ça aurait été une bonne chose en soi. Jacques Charby. L'Odéon a été pris par les protagonistes de mai 68, en particulier conjointement avec la prise de la Sorbonne. Il y a eu la prise de l'Odéon menée par Jean-Jacques Lebel. Et je me souviens d'une assemblée qui avait commencé à 18h, qui a fini à 3h du matin. C'était l'époque où De Gaulle avait demandé à Malraux, qui avait demandé à Jean-Louis Barrault de couper l'électricité. Et Jean-Louis Barrault s'y était opposé. Jean-Louis Barrault était présent à cette réunion non-stop sur le plateau de l'Odéon. Dans la salle, il y avait Madeleine Renaud, complètement éplorée de perdre son théâtre. Et Jean-Louis Barrault refusait donc de couper l'électricité, ce qui aurait été dommageable. Il n'y a aucune menace de part et d'autre. Et Jean-Louis Barrault. Les gens s'expliquent et on écoute. J'attends que tout ça serve à la cause des étudiants. Je suis solidaire du mouvement des étudiants pour les modifications de la Sorbonne et de l'université. Je trouve que leur désir est absolument légitime parce que c'est une vie nouvelle pour eux. Il faut s'occuper des gens qui ont encore de longues années à vivre. Voilà. Mais en ce moment, je crains que ça ne serve pas en ce moment les étudiants. Vous n'acceptez pas de bon cœur cette occupation ? J'accepte de bon cœur un fait humain, car j'ai toujours respecté l'homme. Hein, mais j'écoute. Peut-on savoir si vous avez pris des contacts avec M. André Malraux ? Non. Vous n'avez pas l'intention de le faire ? Ah ben, non, je n'ai pas l'intention de le faire. C'est plutôt à lui de prendre des contacts avec moi. Et a-t-il pris des contacts avec vous ? Non. Il y a les services du ministère qui ont pris des contacts avec nous, bien sûr. Mais enfin, et vous voyez leur politique, et ils ne veulent absolument pas, ils veulent laisser absolument faire ce mouvement. Est-ce que vous ne craignez pas pour votre théâtre, sur le plan matériel, disons ? J'espère que les hommes respecteront une bâtisse. Et bon, là, sur la scène, il y avait des gens comme Daniel Cohn-Bendit, Alain Krivine, des comédiens, des chanteurs, des danseurs, et on refaisait le monde. C'était l'époque aussi où on faisait témoigner les gens du Living Théâtre, parce que ça, c'était déjà une petite révolution qui nous était arrivée, les happenings, etc. Et c'était jour et nuit des débats sur l'action culturelle, qu'est-ce qu'une culture populaire, une culture prolétarienne. On commentait surtout la polémique qui avait eu lieu dans les temps modernes entre Jean-Paul Sartre et Jean Villard. Malraux avait créé les maisons de la culture, et sur la scène de l'Odéon, on disait qu'il avait tout simplement orchestré le clivage entre la culture et le socioculturel, partant du fait que, c'est ce que disait Sartre, que le théâtre national populaire n'était pas un théâtre populaire, même s'il était national, dans la mesure où, malgré la création du TNP, 95% des citoyens français continuaient de ne pas aller au théâtre, et le budget culturel était, je crois, de 0,30% du budget d'État, alors que la vieille revendication des syndicats, c'était que le fameux 1% affecté à la culture. Enfin, c'était quand même un bouillonnement assez extraordinaire, qui d'ailleurs intéressait au premier chef non seulement les étudiants, mais les comédiens. Et il y a eu lieu à Lyon des espèces d'états généraux du théâtre, suscités par Roger Planchon et Francis Janson, qui voulaient toucher le non-public. Un autre théâtre avec une liberté de création, avec une manière d'autogestion. On remettait en cause à la fois les propriétaires des lieux de théâtre, le choix des œuvres, la distribution des œuvres. On remettait même en cause le maître d'œuvre, qui est ordinairement le metteur en scène. Et surtout, ce qui se passait à Lyon et qui a eu des répercussions à Paris, c'était d'arriver à toucher ce qu'ils appelaient le non-public, faire venir au théâtre des gens qui n'y étaient jamais allés, mais il y avait une grande concurrente qui s'appelait la télévision. Il n'y avait pas encore toutes les chaînes qu'il y a maintenant, mais enfin, la télévision s'était peu à peu imposée au monde ouvrier et paysan, qui avait complètement modifié leur mode de vie, davantage que dans les cités d'ailleurs, davantage. Alors il s'agissait de rebrasser, de revoir tout ça. Les leaders de mai 68 voulaient que les comédiens se mettent en grève, que les théâtres ferment. Bien, alors nous étions certains syndicalistes à dire que si les comédiens devaient faire grève, ça serait peut-être aux comédiens de la décider. Pas du tout. C'était les étudiants, des lycéens, qui réunis à l'amphithéâtre Michelet, voulaient que les comédiens se mettent en grève. Alors je leur disais, c'est bien gentil, mais si vous décrétez la grève, fut-elle décidée à l'unanimité, faudra encore que les concernés soient d'accord. Alors, vous voyez, ça vous donne une impression de ce qu'il y avait de l'écume de 68, sur laquelle, d'ailleurs, je pourrais beaucoup nuancer. Hein. Mais enfin, là, c'était vraiment du folklore. Il n'empêche qu'il y avait certains des étudiants qui étaient en relation avec des comédiens et qui avaient décidé, effectivement, de faire cette grève. Et finalement, elle a eu lieu, mais ça a été très, très difficile à la faire admettre dans tous les théâtres. Enfin, il y avait des piquets de grève, il y avait des gens qui voulaient arrêter les représentations, et on y est parvenu au 9/10 à peu près. Jacques Tarnero. À l'Odéon, c'est ce que je ressens. Je ressens un espèce de flot de paroles. Je perçois un flot, un torrent de paroles, mais dans lequel je ne crois pas, qui ne m'intéresse pas. En mai 68, il y avait déjà un chômage des comédiens, moins grand qu'aujourd'hui. Mais enfin, il faut vous dire que les comédiens, leur état normal, c'est le chômage, et leur état exceptionnel, c'est le travail. Ce sont les intermittents à employeurs multiples. Mais il est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de chômage. Les revendications concrètes, c'était déjà d'assurer un minimum vital aux comédiens, que les comédiens ne soient pas comme des poissons congelés qu'on sort du congélateur quand on en a besoin. Il y avait des comités de liaison entre l'Odéon, par exemple, et l'usine Renault à Flins. Et alors, ce que les comédiens voulaient faire, et ont commencé à faire, et pas seulement à Paris, c'est d'aller vraiment chercher le public. À Lyon, Roger Planchon et Francis Janson attiraient notre attention sur le non-public. Eh bien nous sommes allés jouer dans les rues, dans les cantines et partout où les ouvriers étaient en grève. C'est-à-dire qu'on avait décidé d'aller jouer aux heures de cantine, d'aller jouer dans les comités d'entreprise et ne pas attendre que les ouvriers fatigués de leur travail viennent au théâtre le soir. Aller vers le public. C'était cette utopie que nous essayions de vivre. Personnellement, je la vivais avec un certain romantisme d'un côté et un certain sourire de l'autre, un sourire qui faisait que je savais qu'on ne fait pas la révolution par le théâtre, seulement. La police et l'armée couvent la vie en deux. Rive droite, rive gauche, blanc, noir, ouest, est. Et sur les ponts qui tendent les mains qui enjambe la Seine, l'océan, le temps, l'histoire. Serre! Sur chaque pont de Seine. Serre! Sur les quais. Serre! Dans les squares. Serre! Alors, camarades, libérez! Libérez! Libérez! Libérez! Libérez! La Sorbonne. Libérez! La Doyen. Libérez! Le vice-recteur. Libérez! Le recteur. Libérez! La Seine. Libérez! Paris. Libérez. Libérez. Les généraux. Libérez. Les CRS. Libérez. Dans le théâtre, bon, qu'est-ce qui est raté? Il est raté que les théâtres appartiennent toujours à ceux qui en ont les capitaux, qu'il y a de la censure et de l'autocensure, que l'économie du théâtre est devenue telle que ça devient l'enfer de vouloir monter une pièce, que c'est le bon fait du prince, que les ministres de la culture qui se sont succédés ont saupoudré quelques subventions ici ou là qui ne permettaient pas ou peu de monter les spectacles. Mais ce qui a changé, c'est tout de même qu'il y a eu un petit mouvement du public vers les maisons de la culture, les centres d'art dramatique, ça on peut pas le nier. Et grâce au prix des places qui a été abaissé, grâce à comment dirais-je, à une propagande, à une publicité. Maintenant, quand on monte une maison de la culture ou un centre d'art dramatique, on y consacre un fort budget, des fois trop fort, à faire connaître, à faire des abonnements, à aller chercher le public. On ne se contente plus d'attendre que le public vienne. L'École des Beaux-Arts est occupée depuis les premiers jours de mai. C'est là, notamment, que se fabriquent les affiches du mouvement. Roland Castro. L'École des Beaux-Arts est une école qui est majoritairement de droite, qui est une école corporative, plutôt gentille, sympathique, à base de bizutage et de mœurs un peu grivoises, mais qui est totalement déconnectée de la réalité. On vous donne à faire comme exemple de projet, c'est toujours la villa d'un riche propriétaire, une fondation, bon, je sais pas quoi, des grands projets somptuaires, et jamais de logement, jamais de concrétude urbaine, quoi. Et alors, il y a eu un truc qui a fait exploser toute l'école, c'est, il y a eu un projet de proposer aux étudiants qui a vraiment fait déborder. On a arrêté tout, on a fait des grèves, ça a duré 2 mois, on a interrompu les jurys, moi j'ai failli être viré de l'école à cette époque-là. On a exigé de faire des programmes de logement, on s'est aperçu avec horreur que nos profs c'était ceux qui construisaient la Courneuve, c'était vraiment les mêmes, c'était ceux-là qui étaient cette espèce de prix de Rome qui faisaient n'importe quoi, en se faisant totalement avoir par l'industrialisation du bâtiment. On a commencé une critique radicale très marrante, enfin qui est très profonde, qui s'est effectuée dans la réalité maintenant. C'est-à-dire que les idées en architecture mettent beaucoup de temps, mais la base de tout le renouvellement qui s'est effectué à partir de... On se rend bien compte maintenant, tout le monde voit que bon, il y a une critique en acte un peu de cette production de ces années-là. Ça a commencé là, et ça a foutu l'école en délire pendant 1 an et demi. Les gens sont mis au travail sur des questions urbaines, des questions de logement, etc. Il y a eu une espèce de déliquescence du corps professoral. Mai 68 a commencé donc 1 an et demi avant, aux Beaux-Arts. Architecte est devenu une injure. On a arrêté toutes les bagnoles qui passaient rue Bonaparte et les gens ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, on les traitait d'architectes. C'était assez marrant, c'est à la même époque où les situationnistes disaient « Les architectes finiront pendus dans leur grands ensembles ». Et donc il y a une critique très forte qui s'est développée, toute l'école s'est révolutionnée. C'est là où d'ailleurs la plupart des architectes maintenant sont de gauche. L'école a basculé, elle a quitté une espèce de naïveté folklorique pour devenir un lieu où on pense un peu plus. Notre grand mot d'ordre a été rattachement à l'université. On voulait devenir intellectuel, alors qu'on était un peu des abrutis. Et ça démarre là. Et ça explique très bien que les Beaux-Arts étaient très vite, en 68, un lieu extrêmement riche, d'accueil, très bien tenu. Enfin, on dit toujours la Sorbonne, c'était dégueulasse, ça, mais... Les Beaux-Arts, ça a été toujours impeccablement tenu, ordonné, en autogestion un peu sérieuse. C'est une des écoles que les flics ont mis le plus de temps à reprendre. Elle a dû durer 10 jours de plus que tout le monde, ou presque. Quoi. Enfin, elle est tenue après la Sorbonne. C'est devenu très vite un lieu d'accueil. Puis tous les peintres et d'autres, et un certain nombre d'architectes se sont mis à fabriquer ce qui n'en reste comme trace de ces belles affiches qui sont des grands aplats, alors, où on voit des peintres absolument géniaux, enfin des grands peintres hein, qui se mettent à abdiquer tout sens de leur propre responsabilité personnelle, puisque les affiches sont votées, hein, les sujets sont choisis, les thèmes des affiches sont votés, et puis on vote sur les projets, et puis on les passe à sérigraphie, puis des gens viennent, puis des petits malins en stock, puisque aujourd'hui on en revend, enfin... je crois que l'idée moyenne n'était pas de les stocker. Et donc, il y a une espèce de production qui est très belle, qui est à base de monochromie, comme ça, de grands aplats, qui est production collective. À bas l'université bourgeoise. Réforme, chloroforme. Il est interdit d'interdire. Je participe. Tu participes. Nous participons. Participons. Vous participez. Ils profitent. Nous sommes un groupuscule. Non, à l'état policier. Les frontières, on s'en fout. Le pouvoir est dans la rue. Nous sommes tous des juifs allemands. L'anarchie, c'est l'ordre. La beauté est dans la rue. Nous sommes le pouvoir. Paris nous appartient. La chienlit, c'est lui. Sois jeune et tais-toi. Enragez-vous. La police à l'ORTF, c'est la police chez vous. Étudiants solidaires des travailleurs. Ne me libère pas, je m'en charge. La vie. Faites l'amour, pas la guerre. Vivre au présent. Faites l'amour et recommencez. Sous les pavés, la plage. Cours, camarade. Le vieux monde est derrière toi. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. C'est devenu un lieu très ouvert. Et qui après a accueilli, alors, puisque vraiment 68 au Beaux-Arts, ça dure de 66 à 71. Donc ça dure longtemps, ce qui fait que j'ai une très belle jeunesse, comme ça. Une fin de jeunesse, qui n'en finit pas. Et puisqu'après, alors c'est là que toutes les premières assemblées générales du mouvement homosexuel se sont tenues. C'est devenu très paniquant pour un hétérosexuel comme moi, j'étais fou d'angoisse. Quand j'allais au Beaux-Arts, parce que vraiment, brusquement, j'étais, je me sentais encerclé, j'étais content sur le plan des principes. Très angoissé quand même, de voir brusquement encerclé d'homosexuel. J'avais peur, je prenais le bras des filles quand je partais traverser la cour. Bon, mais c'était drôle parce que c'est les premières assemblées du phare Front Homosexuel se sont tenues là. C'était très sympa. Ça a d'ailleurs tourné à la part tous, plus ou moins. Il y avait des endroits qui étaient vraiment bizarres, qui sont devenus vraiment très vivants dans l'école. Et puis il y a eu les premières assemblées générales du MLF qui sont tenues là. Alors ça a été beaucoup plus cruel pour les mecs parce que c'est. On a fini par se faire virer des assemblées générales, sans réunir entre elles. Ça, c'est le grand désespoir d'après 68, où brusquement, les organisations se vident des filles. Je perds la moitié de mon organisation, je suis désespéré. De toute façon, tout se termine. Bon. Enfin, c'est un lieu qui a été très, très... Les Beaux-Arts ont été un lieu qui a mis un temps fou à se normaliser, en plus. Un temps fou. C'est-à-dire que la trace 68 tarde aux Beaux-Arts dure jusqu'en 1974, 1975. C'est un lieu qui a été profondément remué par 68. En matière d'urbanisme, j'insiste, en matière d'architecture et d'urbanisme, c'est un vrai travail. Ça a été un vrai travail. Ça n'a pas été qu'un feu de paille comme ça. Et tout ce qui s'est un peu repensé depuis sur la ville en vient. C'est pourquoi on interroge tellement 68, c'est que ça laisse une trace personnelle extrêmement forte. C'est pour certains tellement bien. C'est un tel moment de bonheur que la vie normale devient insupportable. Mai 68, la presse. Parmi les multiples journaux qui rendent compte des événements, un petit journal laissera son empreinte. Combat. Philippe Tesson. Combat était un journal qui n'était pas conçu, ni rédigé, ni fabriqué selon les normes conventionnelles de la presse quotidienne française, notamment parisienne. Combat était un journal exceptionnel au sens propre du mot. C'était un petit journal dirigé par un homme désintéressé et dont la finalité était de laisser s'exprimer au gré des événements la sensibilité d'une petite équipe de journalistes. C'était un journal sans finalité économique, sans finalité commerciale, j'allais même presque dire sans finalité médiatique. C'était le caprice d'un homme, Combat. Et le caprice de cet homme, c'était de réunir autour de lui une vingtaine de jeunes journalistes en qui il avait confiance, qu'il aimait bien. Il avait créé un univers très particulier, très personnel, qui répondait davantage à des critères esthétiques et ludiques qu'à autre chose. Donc cette cohérence, elle était ontologique à Combat même. Moi, j'étais le rédacteur en chef de cette petite équipe. Nous étions jeunes. Nous faisions davantage un journal pour le plaisir que pour toute autre chose. Pour le plaisir et pour l'expression de notre sincérité. Il y a eu, dès les premiers mouvements qui ont ébranlé la société française à partir de mars-avril 68, il y a eu une espèce de réaction instantanée des journalistes de Combat en faveur de ce mouvement. Je me rappelle quand même, à l'automne qui avait précédé 68, une espèce de prise en charge a anteriori, si je puis dire, par l'équipe de Combat, de cette contestation. Je me rappelle très très bien avoir publié dans les mois qui ont précédé 68 des papiers qui mettaient assez fortement en cause la société dans laquelle vivait la France actuellement. Il faut quand même se rappeler, il ne faut pas détacher 68 de 67 et des années antérieures. Je me rappelle très bien une polémique très forte que Combat avait engagée, par ma plume d'ailleurs, avec le Figaro. Mais très très forte polémique. Je me rappelle avoir fait une série de papiers qui étaient titrés « À la niche ». Dans lesquels je prenais très violemment à partie le Figaro pour les prises de position de plus en plus appuyées de ce journal en faveur, si je puis dire, de l'ordre moral et de l'ordre social existant. Donc Combat participait déjà, d'une certaine façon, de cette remise en cause que 68 allait illustrer d'une façon très, très spectaculaire. Alors donc, le printemps arrive, les premiers mouvements de mars-avril qu'on connaît bien surviennent, et Combat, mais très spontanément, très résolument, s'engage derrière cette révolte de Nanterre. Et voilà, je crois qu'il n'a pas fallu quelques jours, enfin, dès la fin avril, le début mai, Combat s'est enflammé, et on a vu apparaître, donc c'est papiers qui ont une relative renommée, dont vous connaissez les signataires, et donc Clavel a été le plus beau fleuron. Je crois que Clavel, moi, a déboulé dans mon bureau dès les premiers jours de mai, sinon dès les derniers jours d'avril, en me disant, avec cette espèce de faconde inimitable, cette verbe fantastique, il a tout de suite vécu la chose avec toutes ses tripes, en disant « c'est inadmissible, c'est intolérable, on va se battre et on va venir à bout de cette société maudite ». Et voilà, et toute la rédaction a suivi. Alors, encore une fois, le mouvement chez nous n'était ni idéologisé, bien loin de là, ni conceptualisé, ni encore moins politisé. ça a été l'adhésion d'une petite équipe de journalistes à la colère de toute une jeunesse. Ça n'a été rien d'autre. La colère dont nous connaissions les mobiles et les motifs, et que nous avons, alors au fil des jours, évidemment, analysé, avec sans doute une marge d'erreur fabuleuse, extrêmement large. Mais ce qui comptait, c'était l'expression de notre adhésion et la traduction que nous en avons faite en termes journalistiques, par un titrage qui était extrêmement outrancier. Je me rappelle un titre que nous avions fait dans une édition de nuit, que nous avions faite en catastrophe, ça devait être la nuit de Gay-Lussac, je pense, ou peut-être une autre nuit aussi chaude. Ce titre était l'infamie. En énormes lettres, nous avions changé le journal, remodifié le journal, après sans doute une charge de la police contre les barricades, et nous avions titré l'infamie. Je trouve que c'était quand même très gros, avec le recul. Infamie, je crois, dans la hiérarchie des... Dans la hiérarchie de l'hyperbole, je crois qu'il n'y a pas mieux. C'est une chose que je regrette. Mais il est arrivé que parfois, les titres avaient une charge émotionnelle beaucoup plus forte et plus précise, finalement, que cette caricature qui s'appelait l'infamie. Je me rappelle, vous avez d'ailleurs derrière vous cette photo qui avait été prise par un... qu'on nous avait apporté, qu'un étudiant avait prise. Je trouve que ce titre est un des plus beaux que j'ai jamais fait dans ma vie. Non. Non, point d'exclamation. Il avait été, le journal avait été acheté par les étudiants et ce nom-là avait, pendant quelques heures, pris figure de symbole. Il l'avait collé sur les barricades, sur les murs. Il y avait combat et en dessous, il y avait nom, point d'exclamation, et puis une série de sous-titres. Ce nom-là résume parfaitement, c'est un titre sensuel, si je puis dire, la réaction immédiate que nous avions tous contre la répression. On appelait ça ainsi, contre la répression et contre la société dont cette répression était le bras armé, c'était non. Voilà. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends... Mai 68, le cinéma. Le 19 mai, clôture anticipée du Festival de Cannes, à la suite de la contestation apportée par certains réalisateurs. Mais dans le cinéma, le mouvement est né auparavant. Jacques Doniol-Valcroz. L'affaire Langlois, qui a eu lieu en février 68, je crois, et qui était tout à fait annonciatrice de ces éléments, puisque à la suite de l'éviction d'Henri Langlois de la direction de la Cinémathèque par Malraux, voilà, c'est une erreur qu'il avait faite, et ça a provoqué une espèce de mobilisation de tout le cinéma pour défendre Langlois. Ce sont les Cahiers du cinéma qui en ont pris l'initiative au départ, dont nos bureaux étaient devenus un peu le centre de cette réaction. Et Truffaut avait joué un rôle très très important là-dedans. Et ça a provoqué des manifestations. Il y en a eu deux principales, une... près du palais de Chaillot, il y a eu, donc, c'est la première fois, on a vu des CRS dans la rue, des heurts, je crois que il y a certains cinéastes qui ont été un peu blessés, comme Rivette, comme ça. Et ça a été une grande manifestation, vraiment, qui a complètement bloqué le quartier. Et puis, il y a eu une autre manifestation qui est intéressante pour un détail que je vais vous dire, c'est qu'il y en a eu une autre devant le siège administratif de la Cinémathèque qui, à cette époque, était rue de Courcelles. On a fait aussi une manifestation, une espèce de bloquer la rue devant, on appelle ça un sitting, je crois. Et ça a duré, puis à un moment, on a trouvé, nous, les cinéastes, c'était suffisant, et on a donné l'ordre de dispersion. et à ce moment-là, il y a un petit jeune homme roux, bouclé, qui est monté sur une caisse ou sur je sais pas quoi, et qui a dit « Non, c'est pas fini, il faut rester, etc. » Et c'était Cohen Bendit. Et on n'a rien pu faire, je veux dire, la manifestation a continué 2 heures encore. Si on prend les événements maintenant de 1968, il y a 2 événements majeurs, enfin un, disons, fondamental, oui. C'est les états généraux du cinéma. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu très brièvement du contenu des débats, si vous voulez, des états généraux du cinéma, et d'autre part, des suites que ça a pu avoir? Il y avait des projets un peu fantaisistes à l'époque. Oui, je crois qu'il y avait une dizaine de projets comme ça, dont la plupart étaient totalement utopiques. Ben, je veux dire qu'il demandait le cinéma gratuit. Et au fond, le but, c'était que chaque cinéaste ou chaque apprenti cinéaste puisse faire le film qu'il voulait, quand il voulait, avec les moyens qu'il voulait. C'était complètement utopique. Alors, il y avait d'autres projets qui l'étaient moins, et si vous voulez, qui ont débouché sur la fondation de la SRF, de la Société des réalisateurs de films, que ont fondé qu'un certain nombre de cinéastes. Il y en avait beaucoup, vous savez, ça allait de Carnet à Lelouch, Louis Malle. Et là, il s'est créé une espèce d'union des cinéastes, et qui a eu plusieurs résultats importants. Le premier, c'est que le cinéma, au fond, est dirigé par le Centre national de la cinématographie, qui dicte tous les règlements, qui gère le cinéma. Et en fait, jusqu'à cette époque, il y avait donc aussi au Centre du cinéma un certain nombre de commissions, alors tout à fait administratives, qui siégeaient. Et toutes les branches de la profession étaient représentées dans ces commissions, sauf les metteurs en scène. Ce qui est extraordinaire. Tout se décidait sans que les metteurs en scène soient consultés. Et là, ils sont entrés en force, que ce soit dans la commission d'avance sur recette, les commissions d'agrément, enfin, c'est un détail un peu compliqué. Les cinéastes sont entrés en force là-dedans, et ils y sont toujours. Et puis, la conséquence aussi de la SRF, c'est d'avoir créé, à partir de 69, la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et la quinzaine des réalisateurs, qui a débuté très très modestement, on n'avait pas d'argent, etc., est devenue une espèce de manifestation complètement indispensable au festival et a profondément modifié le festival. Au printemps, de quoi rêvais-tu ? Vieux monde clos comme une orange. Faites que quelque chose change et l'on croise des inconnus riant aux anges. Au printemps, de quoi rêvais-tu? Au printemps, de quoi riais-tu? Jeune homme bleu de l'innocence, tout à couleur de l'espérance, que l'on se batte dans la rue ou qu'on y danse. Au printemps, de quoi riais-tu? Gabriel Masneff. Dans cette société de l'ennui, du somnambulisme, du cul de plomb, les événements de mai et de juin sont une explosion de la fête, de la joie, de la gratuité, une redécouverte aussi de la fraternité. Dans ce désert de la grande ville où la foule n'est qu'une multitude de solitudes ennemies, les gens ont brusquement réappris à se parler, à regarder l'autre comme un frère, et c'est cela, la révolution. Rêves-tu d'une autre fin à la romance? Au bout du temps qui se balance, un chant à peine interrompu, d'autres s'élancent. Au printemps, de quoi rêves-tu? D'un printemps ininterrompu. Pierre Chaunu. Comme j'étais jeune à ce moment-là, je me suis quand même amusé, il faut bien le dire. Parce que dans le fond, puisqu'ils ont voulu jouer à la petite guéguerre, ben on a joué à la petite guéguerre. Et alors, il est certain que, bon, ils voulaient m'empêcher de faire des cours. Moi, vous savez, des cours, je m'en fous, entre parenthèses. Mais, enfin, à condition qu'on ne veuille pas m'empêcher de les faire, vous comprenez. Mais à partir du moment où on veut m'empêcher de faire des cours, eh bien moi, je trouve que ça me gêne. Alors, il est certain qu'ils ne voulaient pas faire des cours, j'ai dit, bon, et ben dans ces conditions, on les fera quand même. Alors, si on ne pouvait pas rentrer dans la maison, on entrait par les fenêtres, quand on pouvait pas entrer par les fenêtres, évidemment, etc., parce que le rapport de force n'y était pas, qu'on avait toujours des étudiants avec nous. Et puis, je veux dire, les étudiants trouvaient ça marrant aussi, parce que, si vous voulez, écoutez, il y a des professeurs qui étaient rigolos, parce que ceux qui, justement, qui aussi, enfin, voulaient jouer le jeu, alors on s'est retrouvés dans des cafés, on s'est retrouvés au château, etc. Enfin, on a fait du sport, hein. C'est sûr, on a fait du sport. Puis alors, vraiment, je veux dire que pendant un mois et demi, on s'est très excités, et dans une certaine mesure, Ben, dans le fond, si vous voulez, c'est vrai, quoi. C'est vrai que je dois dire que ça m'a foutu un coup de jeunesse. Ça m'a d'ailleurs donné un coup de cafard, j'avoue, sur le coup. Je me suis dit, mais je suis un vieux schnock. Je venais juste d'avoir 45 ans. J'ai dit, mais c'est vrai que je suis vieux. Et de toute façon, je lui dis, après tout, et comme avait dit un collègue, dites donc, dans le fond, supposez qu'on puisse plus enseigner, qu'est-ce qu'on ferait, nous ? On dit, dans le fond, on est bon à rien, on n'est pas foutu de réparer l'électricité, on n'est même pas capable, si vous voulez, de vider correctement les water. Enfin, dans le fond, on est bon à rien. Alors, dans le fond, si vous voulez, on a eu quelques jours. J'ai eu quelques jours où j'étais vraiment déprimé, je me vois absolument dans le lit en train de transpirer, et puis après, je me dis, ben non, enfin, dans une pipe, enfin, quand même, on va se battre, quoi, c'est pas possible. Et alors, ça a été très drôle, si vous voulez. C'est pour ça que, finalement, mes rapports ont toujours été pas mauvais avec les types d'en face, vous comprenez, parce que, dans le fond, on a joué ensemble. Alain Krivine. Il y a une espèce de dédoublement historique. Où vous avez à la fois au niveau social, 68 pour beaucoup de gens, malheureusement, c'est une espèce de révolte, des voitures qui ont brûlé. Ça c'est une réflexion sociale, pas tout le monde heureusement, mais qui a été un peu préparée, véhiculée par toute idéologie ambiante. Et après, quand on interviewe, on discute individuellement avec ceux qui y ont participé, ils ont des souvenirs fantastiques. Et ils ne le regrettent pas, et puis chacun joue au vieux combattant, raconte ça à ses enfants, et est descendu dans la rue, sur les trottoirs, frétillant, voyant ses mouflets, il y a un an et demi, faire ce que papa et maman avaient fait il y a 20 ans. On a les deux. Il y a un souvenir collectif qui n'est pas forcément très bon, mais par contre, il y a une addition de centaines de milliers de souvenirs individuels, où j'ai rarement vu des gens qui ont participé regretter ce qu'on appelle les 68 heures. Je ne parle pas des dirigeants qui font la une des médias, mais quand même des centaines de milliers de gens qui ont participé, qui ne le regrettent pas du tout. Certains même vous disent, ou certaines, c'était le plus beau jour de ma vie. Mais après, au niveau de l'analyse, oui, c'est vrai que ça passe un peu comme, ça a été chouette, quoi, et puis terminé. Michel Jobert. Le mois de mai était très beau, il n'a pas plu, il n'a pas fait froid, c'était merveilleux. L'odeur de la poudre, des gaz lacrymogènes, je voyais, il y avait beaucoup de jeunes gens et leurs parents, fort joyeux, ils faisaient la révolution. Bon, il n'a pas du tout envie d'être tué. Et heureusement que ça s'est passé comme ça. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Henriette Asseo. Il a régné une atmosphère de grandes vacances, complète. Suspendue en l'air, où tous les gens se parlaient entre eux, toutes classes sociales confondues, s'affrontaient verbalement et se rappelaient des souvenirs. Alors ça, j'ai des souvenirs très précis, de dialogues, complètement surréalistes d'ailleurs, où chacun semblait raconter sa propre histoire. Et si on était jeune et étudiant, on était interpellés dans la rue. Vous qui êtes étudiant, vous qui êtes jeune, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire de ma propre jeunesse, de mes souvenirs. Et c'est essentiellement... Alors, tout le monde disait, ça nous rappelle 36, ça nous rappelle 44. Mai 68, la radio et la télévision. Le mouvement de grève a commencé le 18. Deux jours auparavant, Georges Pompidou dénonçait les provocateurs qui, à la télévision, veulent généraliser le désordre. Pierre Noguera. À ce moment-là, il y a eu ce que j'ai dit, ce que j'appelle finalement un ras-le-bol. Les journalistes se sont révoltés. Et puis ça a commencé à la radio et ça a continué par les journalistes de la télévision. Alors, que voulait-il? Effectivement, il voulait être libre d'exercer leur métier de journaliste. Il voulait être indépendant, finalement, du pouvoir politique. Maurice Sévenot. Le mouvement n'était pas politique pour les journalistes. À l'époque, on l'a dit et redit, et le mouvement était un mouvement, je dirais, professionnel, de solidarité d'abord avec ce qui se passait, et qui a eu des, il y a eu des événements ponctuels qui ont fait que ça s'est déclenché comme ça, et notamment l'interdiction, si vous voulez, là, le mouvement des journalistes a commencé lorsque le pouvoir a interdit de passer des reportages sur les manifestations. Les journalistes ont pris en quelque sorte le pouvoir, n'est-ce pas ? La hiérarchie traditionnelle officielle a été mise, c'était Guillot à l'époque qui était directeur de l'information, et les journalistes ont assumé eux-mêmes la responsabilité collégiale de l'information. C'est ça qui est arrivé. C'est-à-dire, il y a eu quand même... C'est allé très loin. Les journalistes devaient tenter d'équilibrer de façon à ce que ce ne soit pas, en définitive, les syndicats qui viennent faire le journal télévisé. Ça existait aussi. Et c'est tout de même sur impulsion de l'intersyndicale que les journalistes ont cessé le travail, tout au moins ont fait faire les votes. On fait faire les votes pour contre la grève des journalistes. Chez nous, on voulait finalement fabriquer de meilleurs produits. On voulait aussi, comme les journalistes, que l'ORTF soit indépendante du pouvoir. On voulait le pluralisme de l'information. On voulait la liberté de création. Et par liberté de création, on veut entendre par là plusieurs choses, à commencer, je dirais, par l'autocensure. Car on était arrivé à un point tel qu'à la limite, on pouvait ne pas parler de censure, puisque les gens s'autocensuraient, finalement, pour avoir la possibilité de passer un produit à la radio ou à la télévision. Finalement, on voulait une entreprise différente, qui soit aussi indépendante. Est-ce qu'on ne voulait pas aussi, souviens-toi Pierre, Jean-Jacques essayer Pierre. D'établir entre les différentes professions des rapports différents? Et c'est en ça qu'on rejoignait, peut-être plus que sur le plan des revendications matérielles, le mouvement général des jeunes de mai 68. C'est exact, c'est vrai ça. C'est vrai parce que finalement on a fait au moins, sur ce point-là, au moins deux choses. On a essayé de mettre sur pied un véritable statut différent de celui qui existait. Et ça, on a pris d'ailleurs tous les appuis juridiques possibles. On a essayé de le faire. Et on l'a fait même. Bien. Et ensuite, il s'est créé de véritables ateliers, je dirais, de réflexion. Je veux dire que la grève a duré quand même chez nous, il faut le savoir, 37 jours, c'est pas rien. On a été dans les premiers à se mettre en grève et on a été les derniers à en sortir. Hein. Il faut quand même le rappeler. Nous étions tous les jours en intersyndicale. Tous les jours, il y avait l'intersyndicale qui était... Avec plusieurs syndicats. Qui était importante. Il y avait plusieurs syndicats qui étaient impliqués. Et on vivait ça, on était organisé comme l'état-major de guerre, je dois dire. Et tous les jours, on siégé et tous les jours la grève était reconduite. Alors d'un côté il y avait, si j'ose dire, l'état-major militaire, bien sûr, entre guillemets, je dis ça, et de l'autre côté il y avait le personnel qui se réunissait tous les jours, qui voyait ce qui s'était passé la veille, soit à l'ORTF, soit dans le pays, et qui votait ou ne votait pas, mais en tout cas votait la grève. Et en même temps, on avait de véritables ateliers de réflexion pour essayer d'imaginer ce que pourrait être la radio et la télévision de demain. Il y a eu de grands délires, bien entendu, comme partout ailleurs, mais il y a eu aussi des choses, des amorces de choses positives. Par exemple, l'idée de créer, ça a été vrai plus à la télévision qu'à la radio, des unités de production plus ou moins indépendantes des directions de programme. Il y a eu un certain nombre d'idées qui ont été lancées comme ça, qui ont eu des suites limitées, mais qui ont quand même modifié un peu la façon de travailler. Oui, c'est vrai, ça a modifié, ça a changé un petit peu le type de rapport. Maintenant, faisons quand même un peu d'autocritique. Et en ce qui concerne la CGT, qui était partiellement le reflet aussi de l'opinion du Parti communiste, est-ce que nous ne sommes pas quand même, à certains degrés, passés à côté de l'esprit profond de ce mouvement? Personnellement, je le pense, et pour l'avoir dit et pour l'avoir écrit, je dois dire que j'en ai subi un petit peu quelques répercussions. J'étais de ceux qui pensaient que la CGT, elle avait pris déjà un petit peu le train, si j'ose dire, en marche, et je n'étais pas le seul à le dire à ce moment-là, mais pire que ça, je sentais qu'on était en présence d'un mouvement, et tout le monde le disait, qui était sans précédent, dont on percevait une nature différente, une dimension qu'on n'avait jamais connue, et finalement, on tombait dans quelque chose, parce que ça n'était pas connu, parce qu'il n'y avait pas eu de précédent, on n'arrivait pas, la CGT n'arrivait pas à le maîtriser. Or, on sait toujours que les grands organismes comme ça, quand ils ne comprennent pas le sens de quelque chose ou quand ils ne le maîtrisent pas, ils s'en méfient. Et quand ils s'en méfient, ils ont tendance finalement à essayer de le réduire. S'il y a une chose qui a fait peur au pouvoir en place au moment-là, c'est la grève de l'ORTF. D'où cette idée qui a mis 6 ans finalement pour se concrétiser, d'essayer de casser l'unité, d'où le démantèlement de 1974. Pour qui jouez-vous normalement de la musique? Pour Bobby Lapointe. Vous êtes le pianiste de Bobby Lapointe? C'est ça, ouais. Quel effet ça vous fait de jouer du piano comme ça, du jazz sur un grand piano à queue, dans une cour aussi solennelle, celle d'une vieille université comme la Sorbonne? Moi, je trouve ça assez hétéroclite, c'est pour ça que ça m'amuse un peu d'ailleurs. Vous avez fait des études, vous? 22 mai. Tandis qu'on débat à l'Assemblée nationale d'une motion de censure contre le gouvernement Pompidou, qui n'aboutira pas, Jean-Paul Sartre répond à la Sorbonne aux questions des étudiants. Puisque je suis ici, je parle ici, Madame Duras parle à Richelieu, Claude Roy à Michelet, Axelos et Mascolo à Kiné. Par conséquent, vous pouvez vous préparer. Informel, et on m'avait dit que vous en aviez assez des cours ex cathedra. Mais qu'est-ce que je fais ici, moi, avec une radio et puis vous tous? C'est pas ça qu'on m'a dit. On m'a dit que je parlerai au milieu de vous et que je répondrai à vos questions, mais non pas que je ferai un cours comme j'en ai fait au lycée autrefois. Vous êtes ici pour changer l'université, eh bien, mettez-moi au milieu de vous. Et puis qu'il y en ait un certain nombre qui s'en aillent et que les autres me posent des questions, discutent avec moi. Nous sommes venus comme écrivains pour faire un dialogue avec les étudiants. Je crois que nous pouvons nous mettre à votre service. Et nous voulons le faire pour que vous, dans votre mouvement, vous, fils de bourgeois, vous ayez éprouvé le besoin d'aller, vous alliez tout de suite aux classes travailleuses. Pour que vous ayez pensé que la seule façon de gagner votre lutte, c'était de vous allier à la plus grande partie des hommes qui souffrent de l'inégalité, il a fallu que la bourgeoisie se casse en deux. C'est-à-dire que vous vous désolidarisiez tous de vos pères pour aller du côté des classes qu'ils ont contribué à exploiter. Si vous voulez dire que une révolution, même culturelle, a à se poser le problème de sa tradition, ça c'est vrai. Ce que ça veut dire, c'est à vous de le savoir. Autrement dit, je pensais ceci. Une révolution culturelle suppose précisément, tel que vous l'entendez, une rupture avec cette société dans laquelle on ne vous a pas encore mise et qui a ses formes d'art, et à l'intérieur de laquelle se trouvent exploitées et vendues aussi et débitées par les professeurs les formes d'art antérieures. Donc, d'une certaine manière, il y a rupture de tradition, puisque vous ne voulez pas entrer dans cette société. Et cette société-là, elle a des traditions, et ces traditions ne sont autres que les formes d'art des périodes antérieures. Mais est-ce que ça veut dire que vous devez... Ce film est pour le mouvement et doit être diffusé dans les usines. Jean-Paul est tout à fait d'accord maintenant qu'on l'a prévenu. Ce film est pour le mouvement, c'est pour le mouvement. Diffusé dans les usines. Alors, Jean-Paul est d'accord. C'est moi qui le reçois dans les yeux, alors n'ayez pas peur. Bon, alors je vous disais, donc il y a d'une certaine manière rupture de tradition, et d'un autre côté, il est absolument impossible que cette rupture de tradition, d'un autre côté, nie complètement ces siècles d'art ou ces formes d'art qui ont précédé. Donc vous êtes obligé de penser à la fois à les nier en tant qu'on vous les donne dans la société technocratique, bourgeoise, dont l'enseignement vous est distribué, et à la fois les récupérer d'une autre manière. Une question, je lis une question écrite parmi les très nombreuses qui viennent d'arriver. Camarade Sartre, que pensez-vous des thèses de Marcuse? Et je pense que... écoutez bien, les thèses de Marcuse, on ne va pas discuter de ça tout en général, parce que ça c'est de la philosophie. Il y a des philosophes ici qui ont fait la philosophie en philosophie, mais il y en a d'autres qui ne sont pas en philosophie. Mais il y a une thèse que, ou vous connaissez par la lecture de Marcuse elle-même, ou vous avez trouvé vous-même, et qui n'est pas une thèse philosophique, qui est une thèse qui aide notre conception politique, c'est l'idée selon laquelle la société moderne est constituée de telle manière, avec de telles forces de récupération, avec de tels moyens de rattraper, de changer à son profit ce qui pourrait être à son désavantage, que finalement, toute forme d'opposition à cette société, si elle se trouve à l'intérieur de cette société, tourne finalement à son profit. Tout est récupéré. Et Marcuse dit, en terminant son dernier livre, cette phrase, « Notre espoir ne peut venir que des sans-espoirs ». Je veux dire qu'un des sens de l'insurrection des étudiants, c'est que vous ne voulez pas entrer dans cette société-là. Et vous ne voulez pas y entrer parce que vous pensez que si vous y êtes, vous êtes fait. Fait comme des rats, des rats, des rats, des rats, des rats. C'était Chronique de mai, une série de Dominique Chagnolleau. Aujourd'hui, quatrième émission, un mouvement éclaté. Groupe de réalisation, Anna Sibert, Arlette Adrian, Claude Niort. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cette émission, la quatrième d'une série de sept, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 août 1988. Prochaine émission, l'apaisement du 24 au 27 mai. Les années 60, une émission de Philippe Garbi, réalisation Virginie Mourtet, à suivre et d'ici là à télécharger ainsi que les précédentes de la série sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.